quartier, créer une carte postale. Envoie-nous des couleurs et des couleuvres, dis-nous ce que fait devenir un apostat. D'épouser la posture, pourquoi l'homme affiche ses semblables en poster. Revenir de cette imposture, la belle du large. Épouser les consonnes, dans la marche couchée de lettres d'or, ses sentiments résonnent. Voyageur parallèle, qui avec l'inconnu fusionne, peu importe le fuseau, t'as deux épaules pour fusil. La patience pour fusible, capitaine de la suicide. Guidé par le vent, on suivra des bandes lucioles. C'est plus inoubliable, tu en feras la somme. Usé de plus belles syllabes, sublimer tes pensées d'homme. Prends rendez-vous, agrippe la barre à demain. Voguer le long de crépuscule sans somnier lendemain. N'oublie pas, tes proches et leurs demandes. De notre part, tu salueras le monde. Dessineras les contours de l'orbe. Tu nous diras si l'amour a le même goût de l'autre côté du globe. Les mers et les marins, les calarmés de qui. Quitter qui t'a la quitté, même qui jamais la mer ne le quitte. Défié d'une coquille de noix, la physique est ses lois. Mais plus je grandis, plus les rétrécis et l'horizon s'éloigne. Recueil de pensées éparses, dès le départ t'inquiète, t'es tard. Il n'y aura qu'un diamètre qui nous sépare. T'inquiète, t'es tard. Il n'y aura qu'un diamètre qui nous sépare. Yo, la boussole mon pote. Je vous oublierai pas. Correspondance avec méthode. Et peu importe si pour m'éclairer il me reste une iode. Et que les flots débordent. En effet, être un enculé c'est de l'énergie. Moi je suis toujours en batterie faible. La vie de radeau à quai, raconte-la à dos. Tu te rappelles à l'appel, la vie nous mettait des râteaux. Ta part du gâteau, obsédé d'art dental. Si tu penses rentable, t'auras pas ta place sur le bateau. Tracard de récif, bouteille carrée, drapeau noirissé. Laisse évoquer les pirates de leur récit. Le combat entre l'homme et l'océan. Où qui se trouve, ne se trouve jamais sur le pont séant. C'est la dernière séance, top Paris fini comme Tabarly. La mort n'atteindra pas notre insolence. Fini comme Tabarly, la mort n'atteindra pas notre insolence.